corps en émoi et tes yeux me foudroient. Un mot, un regard, nous voilà, toi et moi, étendus sur le sofa. Je ne peux plus garder mon sang-froid. Je suis parti dans la vallée humide des joies du désir. Sans hésiter, j'ai plongé direction la fleur du plaisir. Le rêve en beauté, le corps dénudé. Le jour se lève et je suis fatigué. Mais je ne peux résister à l'envie de te visiter. Je suis parti dans la vallée humide des joies du désir. Sans hésiter, j'ai plongé direction la fleur du plaisir. Je suis parti dans la vallée humide des joies du désir. Sans hésiter, j'ai plongé direction la fleur du plaisir.